Alors, votre prénom, c'est quoi ? Clément. Clément. Et du coup, on est devant le palais de justice de Rouen, là. Est-ce que vous voulez dire pourquoi vous êtes ici ce soir ? On est ici pour faire entendre nos voix, pour stopper ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le monde entier, contre la communauté les Noirs, et pour essayer d'avoir la paix, de cesser les discriminations, les meurtres, comme il s'est passé pour Adama Traoré il y a 4 ans, et comme ça s'est passé la semaine dernière pour George Floyd, et pour tant d'autres personnes qui sont restées sous silence et qu'ils ne sont pas médiatisés. Et donc voilà, on est là pour faire entendre nos voix et pour que justice soit rendue surtout. Bonjour, je m'appelle Georges, et comme pareil pour Clément, je suis là pour faire reconnaître mes droits. Je suis là pour me battre pour ma liberté, et je suis là pour me battre pour les personnes qui ont été victimes de ce genre de délit. Et j'espère que les choses vont changer avec ça, tout simplement. Sur BFM TV, il nous explique qu'en France, c'est pas pareil qu'aux États-Unis, que Adama, c'est pas pareil que George Floyd. Vous en pensez quoi, vous, de la situation La seule différence entre George Floyd et Adama Traoré, c'est que les images ont été rendues publiques pour George Floyd, alors que pour Adama Traoré, ils veulent pas sortir les images. Moi, j'étais à la manifestation à Paris. Qui arrive en hommage à George Floyd. Vous voulez terminer ? Et donc j'ai été à la manifestation à Paris et Assa Traoré a demandé à ce que les policiers rendent les images publiques, et ce qu'ils ont toujours refusé. Et sur les dernières analyses, ça a été prouvé qu'il est mort par asphyxie, donc c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est juste la différence, c'est que les images ont été rendues publiques et pour Adama Traoré, elles n'ont pas été, malheureusement. Et vous avez entendu le son de policiers là, qui étaient en service au sein du tribunal de Rouen Oui, ouais. J'ai écouté 30 minutes de vidéo d'insultes envers les Noirs, ce qu'ils appellent les Nègres, les Arabes, ce qu'ils appellent les Bougnoules, le mouvement LGBT, les féministes et tout un tas d'autres. Et en fait, ça représente ce qui se passe dans la police française. Ça veut dire que ça représente ce qui se passe dans la police française, et c'est ce type de gens qui viennent nous contrôler et qui viennent nous arrêter quand on est en danger. Et c'est ce type de gens qui sont censés nous protéger du danger, qui nous insultent entre eux, en fait, voilà, qui nous dénigrent. Vous êtes de Rouen même ou Oui, moi je suis de Rouen, ouais. Et quand j'entends ça, je me dis que par exemple, si moi, demain, je me ferais arrêter par un de ces policiers, il n'y a rien qui va me protéger à ce qui me tue ou ce que je me fasse taper ou quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Là, avec la manif pour Adama qui était gigantesque, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui est en train de basculer un peu ? Ouais, je pense que c'est comme si l'affaire George Floyd, ça a attisé les choses, en fait. Voilà, c'est ça, ça a rassemblé les gens, et c'est un peu c'est comme s'il y avait une prise de conscience en ce moment même. Et tous les gens, là, comme on a pu voir à Paris, beaucoup de gens sont prêts à se rassembler pour une même cause. Et donc je pense que si on continue dans cette voie-là, on peut réussir à obtenir quelque chose. Comme par exemple aux États-Unis, ils l'ont inculpé pour meurtre et non pas pour meurtre involontaire. Et les 3 autres policiers ont aussi été inculpés pour complicité de meurtre. Donc déjà, il y a des choses qui avancent, et ça montre que quand on arrive à se rassembler et à faire entendre nos voix, les choses peuvent avancer. Donc si on continue comme ça, je pense que ouais, ça peut y avoir quelque chose de fait. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir parce que il y a plein de jeunes, il y a plein de Noirs, il y a plein d'Arabes. Ça change de manif habituelle, quoi. C'est vrai. Et ça montre que quand certains peuvent avoir une mauvaise image des jeunes ou quoi que ce soit, mais ça montre que quand on a des choses qui nous tiennent à cœur, quand ce sont des choses qui nous touchent et sur lesquelles on peut être représenté, nous sommes présents pour faire entendre nos voix, quoi. Donc c'est bien. Il a ajouté quelque chose ? Il a vraiment tout dit. Je pense que j'aurais rien à rajouter à ce qu'il a dit. Et Clément, vous voulez ajouter un truc ou... Non, justice pour Adama, justice pour Georges et tous les autres que je n'ai pas leur nom en tête, mais je pense à eux et grosse pensée à leur famille et à tout le monde. Et surtout, faites attention à vous pendant cette manifestation. Merci à vous deux. Bonne manif. Merci. Ah, bien.